C'est tellement le recul que s'il y avait une compétition mondiale pour la marche arrière, le PQ serait champion. Si le PQ avait à nous faire un hymne national, ce serait bip, bip, bip, bip. Ingénieur, il n'est pas corrompu, ce qui veut dire qu'il n'est pas déductible d'impôts. Voici donc, grâce à vos impôts, votre animateur, Jean-Philippe Baudier. Hey, bonsoir tout le monde! Bonsoir tout le monde, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de nous remettre de la grosse, grosse surprise la semaine. Hey, moi, j'en suis pas encore revenu complètement fou. Fred Savard, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Hey, est-ce que vous êtes surpris, vous? Ben non, c'est extraordinaire, quand même. Franchement, Philippe Couillard qui gagne la course à la chefferie, on s'entendait à ça un petit mais peu quand je même. Je parle pas de Philippe Couillard. Ah, je parle de la couverture médiatique sur une tempête de neige en plein hiver. Ah ouais, ça, c'était un qui l'eût cru, hein? Hey, moi, les vox pop, là, pour demander aux gens ce qu'ils pensent de la neige en mars, je capote. Je trouve ça assez intéressant. Là. J'aime ça. C'est presque autant intéressant qu'un conclave. Ah, quasiment, quasiment. Hey, on a failli entendre Céline Galipeau nous dire « Elle est blanche. Elle est blanche. » Oui, ma chère, elle est blanche. Elle est tout à fait blanche. Non, mais regarde. Moi, je trouve que Céline est quand même complaisante avec la neige. Elle est aussi complaisante avec la neige. Que ce soit Ouellette ou la neige, ça fait rien. Tabarouette. Puis, c'était-tu nécessaire d'envoyer Michel C. Auger au Pôle Nord pour couvrir ça? Franchement, gagnons de l'argent, là, Radio-Canada. Pas de Pôle Nord sans info, hein? Oui, c'est une nouvelle émission. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on salue les étudiants du cégep Bois de Boulogne qui composent l'essentiel de notre public ce soir. Bonsoir. Là, ils vont peut-être moins applaudir quand on va écouter ce qu'ils vont les leur étudiants dire. De cégep, c'est comme des membres de la génération Y, mais encore plus jeunes. Hein? C'est Z. Oh boy. Où on revire le compteur, on est rendu à mon avis, là, je sais pas trop. Juste pour vous dire, il faut préciser, là, regardez, on a abaissé un peu notre niveau de blague parce qu'on sait que votre génération, ben, ça manque un peu de culture politique, de culture générale. Et on veut entendre rire. Fait que, écoute, c'est plus basic. Là, on s'excuse, on n'a pas de sangria, on a juste de la bière sans gluten. Ouais, c'est ça. Alors, ben écoutez, il y a des rires même pas, ils savent même pas ce qu'on dit. Non. C'est ça, c'est... Bon, en tout cas, on va envoyer ça sur Twitter. On va passer aux choses. C'est une blague, on vous aime tous. D'ailleurs, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont de la bière ici ce soir. Oui. En tout cas, si vous voyez passer un agent de sécurité, le premier lève la main, on ferme les portes. OK, excellent. Alors, grosse nouvelle cette semaine. Grosse nouvelle, on commence fort. On a appris que le gouvernement fédéral avait dépensé plus de 22 millions de dollars en un an pour faire de la surveillance des médias. Hey boy, ça fait cher l'abonnement quand même, 22 millions. Oui, oui. Puis c'est bien maudit, hein, parce que s'il y avait attendu, là, la presse va être gratuite. Mais oui. Hey, je vous ai avoir su, il aurait économisé 22 millions. Hey, lire Lisiane Gagnon gratuitement, là, sincèrement, je ne me puis plus. Hey, puis c'est dans un bon français, ça. C'est d'autant plus drôle. Ouais. C'est donc gratuitement qu'on pourra apprendre les tout derniers scandales sur la ville de Montréal. Ouais. Le plus récent, c'est évidemment la démission du DG de la ville, Guy Hébert. On a appris ça cette semaine. Ça, c'est Guy Hébert, c'est le gars qui avait demandé la tête de Marc Parent, le chef de police. Hein? Dans la réalité, oui. Dans le Journal de Montréal, non. Ah. Ça dépend. Ouais. Ça dépend ce qu'on Réalité et Journal de Montréal, deux concepts, on n'a pas invité au même party. Ben oui, d'ailleurs, je ne vois pas souvent ces parties-là. Non. Des parties de concepts, là. Est-ce que ça a l'air le fun? Parlant de concepts qui ne vont pas ensemble, le gouvernement marois a annoncé... Ah non, il a fait encore des siennes cette semaine. Non! Oui, oui, ben oui. Il a annoncé des nouvelles compressions dans les centres de la petite enfance. Question d'atteindre le déficit zéro et aussi s'aliéner les dernières personnes qui pourraient voter pour le PQ. Ah oui? Ah, moi, je pense qu'avant d'atteindre le déficit zéro, ils vont atteindre la crédibilité zéro, moi, je pense. Ah non, ça, c'est fait. Ah, c'est fait, ça? Oui, ça, ils l'ont accompli dans le premier 3 mois. Ah ouais? Ah ouais, regarde, ils ont pas niaisé avec ça. Ça, c'est fait, on passe à d'autres choses. Paf! Ah ouais, regarde. Surtout qu'on a appris cette semaine que le Parti québécois a aussi reçu de l'argent sale. Hein. Ça, c'est selon un ex-cadre de SNC-Lavalin. Ben oui! Ben voyons donc. Ben oui, je n'en reviens pas. Se salir autrement. Oui, ben c'est leur dicton, c'est leur nouveau slogan, ben voyons donc. Mais ça me surprend, ils sont pas à l'argent, ce monde-là. Ben, ben voyons donc, je sais pas pourquoi ils ont accepté. Ça doit être encore la faute du PQ. Ok, cette fois-là, c'est vraiment la faute du PQ. Non, mais c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Enfin. Non, mais moi, ce que j'en reviens pas, c'est que Québec solidaire... lapsus. Ben ouais. Ben Freud beau, revient, ils sont devenus fous. Ouais. Non, mais j'en reviens pas, moi, Québec solidaire, ils reçoivent jamais d'argent sale. Ils en auraient besoin. Ils en auraient besoin. Les sandales au mois de janvier. Tu sais, il me semble que pour une compagnie comme SNC-Lavalin, Amérique-Cadier, la Libye, c'est la même affaire, il me semble. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce que Cadier, il fait pas des prisons. Il fait de la prison. Oh! C'est comme si toute la différence. Ben oui. Heureusement, nos invités de ce soir n'ont jamais fait de prison. Ben, je dis ça en même temps, on n'a pas vérifié. On n'a pas super vérifié. Ouais. Non, mais on demandera tantôt. Ouais. On reçoit d'abord l'abbé Raymond Gravel. L'abbé Gravel qui est là. Ouais. La mère Thérésa du Québec. Oui, le maire Thérésa. Ah, la mère Thérésa du Québec. Ouais. Ben, en même temps, je veux dire, t'as peu, là. Il n'y a pas de lépreux au Québec. Non, c'est vrai. À part à l'hôtel de ville de Montréal. Non, mais ça, regarde. C'est... Ouais. D'ailleurs, ceux qui vont à l'hôtel de ville, là, je sais, des fois, il y a des visites d'organiser. Ouais. On se lave les mains. Oui. Hein? Si vous entendez quelqu'un marcher avec une petite cloche, sauvez-vous. Ah, ouais. Vous restez pas proche de ces gens-là. On reçoit également le député libéral Robert Poetti qui en sera à sa deuxième visite à l'émission. Ouais, deux visites. Non, mais nous, on les aime, les libéraux, quand même. Ouais, hein, parce que M. Bachand aussi est venu deux fois. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. On les invite. Ah oui, deux fois pour M. Bachand. Oui. Il aurait pu venir une troisième fois. Finalement, ben, il a préféré finir troisième. Oui. Ben, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai. Et je pense aussi, on rit, mais je pense aussi que c'est réciproque. Hein. De toute façon, on aura le temps de demander à M. Poetti parce que la soirée est encore jeune. Bon, Olivier, le web. Oui. Oui, non, je t'annonce là. Les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune, ou sur notre site radio-canada.ca/lasoirée, où ils pourront lire Normand Lester qui dit que le PLQ est très proche de la mafia parce que si on tape les mots mafia, libéral et Québec dans Google, ben il y a beaucoup de résultats. Ah! Eh bien, il sait comment utiliser Internet. Ah non, mais grosse semaine d'actualité. Tellement qu'on n'a pas eu le temps de parler... De la nouvelle de la semaine. Ah ouais. Ben oui, ça a été rapporté par nos collègues de Radio X Montréal. Oh, ça va être bon, ça. Oui, oui, non, mais c'est pas une blague, là. Paraît... Ah, oh, c'est pas le fun à lire sans nom, là. Paraît-il qu'un employé de Laval aurait été masturbé de force par cinq de ses collègues? Ben, ce n'est pas une blague. Ben voyons donc! Ben oui! Comment ça s'est sus? Ben... Ce sont des cols bleus, Fred. Ils ont dû charger pour la job. Ah, ben c'est clair. Il n'y a pas de job gratis. Non. Alors, si ça se trouve, il était trois, il y avait deux superviseurs en plus. Oui. Il y a eu du coulage, je pense. Oh. Oh, oh, oh! On parlait d'humour social. Humour social? Ben, oui, c'est ça. Regarde, on se trompe des fois. On fait avancer, hein? Oui, on fait avancer la société. Mais pas par en avant. De côté, regarde. Ça bouge, ça, c'est important. OK, le dernier gala des Jutras a encore une fois démontré que le cinéma québécois pogne pas pantoute au Québec. Et ça, ben, ça nous attriste. Mais ça nous a quand même inspiré notre palmarès de la semaine. Voici donc cinq idées de scénarios de films qui rejoindraient autant un large public que ceux qui aiment le cinéma d'auteur, hein, une spécialité québécoise. Alors, en cinquième position, Inch'Allah et Avril. Oh. C'est l'histoire de réfugiés palestiniens qui tentent de se cacher dans les sourcils de Jacques Enguirrand pour éviter les bombes israéliennes. Ah, ça va être bon. Ça va être très bon, ça. Meilleur qu'en mars et avril. Ah, une suite, d'ailleurs. En quatrième position, Mars et camion. C'est l'histoire de Julien Poulain qui tente de sauver Catherine Davernant en camion pour lui éviter de frencher Jacques Enguirrand. Oui. C'est le fun, ça. Et il en profite pour libérer les réfugiés palestiniens qui se cachaient dans ses sourcils. Ah ouais? Il était 30, hein, je pense. Oui, il était une trentaine. Une trentaine. Ouais. Ah, ouais. En troisième position, Elvis Gratton des étoiles. Stupeur, alors que le Québec entier se rend compte qu'Elvis Gratton n'est pas colonisé, il n'a qu'un retard d'apprentissage. Et il déménage son gros garage en Suisse. Ça va être bon, ça va être bon. En deuxième position, Rebelle et Comte. Un enfant soldat du Congo est repêché par le National et devient le goon de l'équipe. Et il termine sa carrière dans la honte en devenant végétarien à cause d'un extracteur à jus. Touchant. Moi, je vais être dans la ligne pour aller le voir, si vous m'apprenez. Peut-être pas vous, mais moi, oui. Et en première position... Omerta Anyways, la déchéance d'un chef de la mafia alors qu'on découvre qu'il est transgenre. Et il insiste pour qu'on le surnomme la marraine. Hey, c'est beau le cinéma de chez nous, hein? Fred, notre premier invité. Il a fait vœu de pauvreté devant l'église et s'est déjà présenté au Bloc québécois, ce qui est aussi un vœu de pauvreté en quelque sorte. Accueillons M. Raymond Gravel! Soyez, je vous en prie. Avec la bière. Ah, ben oui, je vois que vous avez déjà de la bière. Ben, c'est une bonne chose. Souvent, j'oublie d'offrir de la bière à mes invités. Mais c'est par gêne, hein, parce que des fois, les gens ne prennent pas de la bière, mais je vois que, bon... Moi, j'aime ça. Ben oui, mais j'aimerais mieux du vin, là, mais... Ben non, ben qu'est-ce que vous voulez, on n'est pas tous en communion ici. ben, première chose, Abemus Papam. Hein? Oui, Abemus Papam. Oh, mais... Liboire. Pas trop déçu de ne pas avoir été nommé pape, toujours? Non, ça, j'étais sûr, mais je suis bien content, par exemple, que ce soit lui et pas le cardinal Ouellet. Arrêtez donc! Oui. Vous n'êtes pas pro-québécois, vous? Ben, je suis peut-être pro-québécois, mais ça dépend du québécois. Ah, c'est vrai? Moi, je suis bien content que ce soit lui. J'avais souhaité que ce soit un pape argentin, puis j'avais même dit, moi, si j'étais pape, je m'appellerais François. Ah, mais... voyons donc! Oui, c'est facile à dire après! Ben non, est-ce que vous l'avez dit dans un média connu? Je l'ai dit à des prêtres chez nous, on était en réunion, puis ils m'ont dit, hey, tu l'avais dit que c'était pour être François. Ben oui, j'avais dit ça. Ça se tape dans le dos en chum, mais attendez un peu, là, ça n'a pas été écrit nulle part. Non, mais on dit ça, mais est-ce que vous auriez fait un bon pape, vous? Non, je pense pas. Bon, premièrement, vous avez une bière à la main, fait que c'est sûr que c'est... Non, je suis sûr. Ça donne des drôles de photos. Je pense que quand on devient pape, on est prisonnier. Hein? Il est prisonnier, là, il ne peut plus rien faire. Même si lui se permet de faire des choses, là. Il a débarqué de sa Jeep cette semaine pour aller saluer des gens. Hey, je sais, un fou d'une poche. Mais ses gardes du corps étaient... Fou! Non, c'est ça. Mais je pense que le costume, il est obligé de s'habiller toujours en pape. Là. C'est dérangeant un peu. Là. Où on loue ça, un costume de pape, d'ailleurs? Il y en a sûrement là, dans les librairies religieuses. Ben oui. Il y en a. Les costumes de pape, on imagine. Non, mais on parle justement de François. Ça a été une grande surprise pour à peu près tout le monde. Vous en parlez, c'est dans la presse, vous avez accordé une entrevue juste avant et vous aviez dit que vous appréciez le travail des cardinaux des Philippines et de l'Argentine. C'était effectivement notre petit Jorge. Ouais. C'était lui. Vous êtes un visionnaire. Non, pas un visionnaire. Ben, vous étiez le seul à en parler. Non, parce que je pensais aussi qu'il était pour être brésilien ou encore, en tout cas, d'Amérique latine. Brésil, Argentine, c'est toute la même affaire. Mais ben, moi, je voulais que ce soit un Sud-Américain parce que je trouve que l'Église est rendue là. Je pense qu'on a besoin de ça. C'est un vrai missionnaire. Si au bas, en bas de non, c'est parce que c'est un missionnaire. Moi, j'étais tanné de voir un pape là, qui est un érudit, qui est un grand théologien, un exégète. Moi, je voulais quelqu'un de terrain. Lui, il a fait du terrain. Il a visité des prisons. Il a fait du métro. Il a fait de l'autobus. Ah, il a fait du métro, mon Dieu. Non, mais tu sais... Dans pauvreté, Il était à la base avec les gens, tu sais. Puis il a toujours été comme ça. Il visitait des prisonniers toutes les semaines, comme on dit. Il n'avait même pas de bonne pour faire ses repas. Il faisait lui-même ses repas. Ah, mon Dieu, alors, mais c'est la grande pauvreté. Il était cardinal, quand même. Il aurait pu avoir des avantages. Il n'a pas voulu avoir de chauffeur, rien. Donc, il s'organisait lui-même. Ah oui, ben écoutez, c'est franchement intéressant d'avoir un pape comme ça. Sauf que... il y a 76 ans. Ouais. Là, je lance ça comme ça. Là. C'est pas vieux, un peu? Ben peut-être, mais il va faire moins long. Ah, ben c'est ça. Ah. Puis en même temps, je dis, c'est le fun, des conclaves. C'est pratique. Non, non, mais c'est dur 10 ans. Il y a le temps de faire sa marque après 10 ans. Puis on... Ah, vous pensez qu'il va durer 10 ans? Ben oui, pourquoi pas. Ben mon Dieu, c'est parce qu'on trouve ça le fun, des conclaves. Ah, c'est au moins 8 ans. Mettons 8 ans, là. C'est quand même... Ben oui, non, c'est... C'est deux mandats de politiciens au Québec, ça, là. Ah, puis ça peut être long. Jean Charest a bien duré 12 ans. Oui, ouais, ça a été très long aussi. Attendez un peu. Attends, on va recevoir M. Poëti tout à l'heure. Ouais, j'ai trouvé ça long, moi. Ah, oui. Bon, ben, <t'es... coughs> on va y demander. Tout ça pour dire que un pape, on l'appelle pape de transition. Hein? On dit de lui que c'est un pape de transition, justement parce que, bon, il ne fera peut-être pas un mandat comme Jean-Paul II, qui, lui, ben, t'as fait à 25 ans. Ah, oui. Oui, au-delà de 20 ans, tu vois. Ah, oui, ben, oui, écoute, je ne me souviens pas quand tu étais élu. Je n'étais pas né. En 78. Ah, je n'étais même pas né, pour vous dire, hein? C'est ça. Mais la fin, c'était long, hein? La fin, c'était long. Ouais. Mais il était comme exposé. Oui. C'était long un peu. On l'a vu mourir en direct. Oui, pendant 4 ans, c'était long. Non, mais on dit de lui, donc, que c'est un pape de transition. On parle d'un pape, c'est comme un pape minoritaire, en fait. On s'attend de lui à ce qu'il garde l'Église à peu près au même endroit pour qu'un prochain pape s'en vienne. C'est un peu ça l'idée, non? Mais je pense pas que ce soit un pape de transition, lui, non. Plutôt, ça va être un pape révolutionnaire. Il me fait penser un peu à Jean 23 quand il est arrivé en 58, Jean 23. Ah, c'est fou, ça. Il était très âgé. Il avait même 80 ans. Ah oui? Et il a lancé un concile. Il a révolutionné l'Église du temps. Alors, je pense que il faut pas se fier à l'âge. C'est pas l'âge qui compte. Je pense que c'est la qualité de la personne. Mais vous dites justement de lui que ben, le fait qu'il ait été sur le terrain, bon, ça l'aide. Hein. Ça va peut-être l'humaniser, même que ça va peut-être lui donner, avoir un discours peut-être un peu plus ouvert sur des sujets comme l'homosexualité, le mariage gay, l'ordination des femmes. En même temps, il s'est quand même prononcé contre à peu près tout ça. Oui, mais il ne serait pas cardinal. Il n'aurait pas été cardinal s'il ne s'était pas prononcé contre ça. Ah, c'est l'approche qui va être différente. Vous savez, l'Église, on était habitué avec des papes qui condamnaient l'homosexualité, qui condamnaient les femmes qui se faisaient avorter. Ce pape-là prend une différence. Il se présente différemment. Au lieu de condamner, il va dire accompagner ces femmes-là. Il va faire preuve de miséricorde. Il a même demandé aux gens, faites preuve de compassion, de miséricorde les gens envers les autres. Je pense pas qu'il tienne des discours de condamnation, mais il va faire plutôt des discours d'accompagnement. Puis il va faire évoluer l'Église dans ce sens-là. C'est sûr qu'on peut pas demander au pape demain matin d'être pour le mariage gay puis de bénir des mariages gays. Là. Mais peut-être qu'il va ouvrir une porte tranquillement pour qu'on accueille les gays puis qu'on les respecte puis qu'on... Qu'on les guérisse à un moment donné, hein? Non. Non, parce que ça se guérit pas. Ben, ça va nous trouver le vaccin dans Marouette. Qu'on les accueille comme ils sont. Ben oui, on va juste demander à Fred, est-ce qu'on peut fermer son micro? C'est très désagréable. Et il a même insisté pour payer lui-même sa note au comptoir de l'hôtel quand il est parti. C'est tout un charge. Je suis pas sûr que Marc Ouellette aurait fait ça, moi. Non, je pense pas. Puis même, franchement, vous êtes donc bien méchant contre lui. Il a même embarqué dans un minibus avec les autres cardinaux. Il a pas pris la voiture du pape. Là, ah oui, c'est vrai. Il était embarqué en avant, moi. Non, il était en plein milieu. Arrêtez donc. Il y a une photo qui a été prise, puis il était assis avec les cardinaux. Arc! Mon Dieu! C'est un vrai trooper. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'analystes, en fait, qui espéraient à quelque part des réformes dans l'Église catholique. Est-ce que ça se peut, des réformes dans l'Église catholique? Oui, ça se peut. Il y en a toujours eu. Mais là... Ça prend du temps. Oui, c'est ça. Parce que l'Église, c'est une grosse machine. Là, ça prend du temps. Et on dirait qu'on tient compte aussi de l'Afrique, qui sont peut-être un peu différents de nous, là, l'Amérique latine. Oui. L'Europe. Au Québec, c'est sûr qu'on est avant-gardiste un peu. Alors, c'est sûr, mais c'est pas toute l'Église qui est comme ça. Alors, le pape, il doit composer avec toute l'Église. C'est pour ça que c'est difficile de faire des changements. On en fait des changements, mais c'est long et lent. Mais les voix qui sont entendues, parce que vous dites justement, au Québec, on est peut-être un peu avant-gardiste. Quelle voix qui se rend premier au Seigneur? Celle des gens qui chialent contre l'Église catholique ou des gens comme genre Jean Tremblay à Chicoutimi qui, lui, est pour la prière avant le conseil de ville. Lequel qui arrive en premier, je dirais? Je sais pas. C'est ça, mais moi... Je me pose encore la question. Ouais. J'ai de la misère avec la prière de Jean Tremblay, moi. Ah oui? Oui, oui, j'ai de la misère avec ça, imposer la prière à tout le monde. Je suis pas pour ça, moi. Même le pape a pas fait ça, là, devant les journalistes samedi passé. Il a dit, comme il y a des journalistes qui sont pas croyants, d'autres qui sont d'autres confessions, je ne donne pas ma bénédiction, je vais la faire en silence. Ah, c'est vrai? C'est bien, hein? Ah, mon Dieu! Il a fait un accommodement raisonnable, qu'on dit. Alors, Jean Tremblay devrait en faire aussi. Ben, en même temps, Jean Tremblay, t'as une petite coche au-dessus du pape, non? Ouais, peut-être au Saguenay, là, mais juste au Saguenay. Je vous le confirme. Mais parlons de vous un peu, là. Vous avez des positions qui sont franchement plus libérales que ce qui est véhiculé, par exemple, au Vatican. Je pense que oui. Oui, ben, on peut se le dire. On va se le dire. Non, mais c'est clair. Mais comment on fait pour vivre à l'intérieur d'une religion, en fait, d'un groupe qui ne partage pas les mêmes valeurs que nous? Bien, sur certains points, je partage les mêmes valeurs. On partage les mêmes valeurs, mais pas sur tout. Pour tout. Mais non, mais je suis d'accord. Mais c'est quand même fondamental. Bien, c'est fondamental. Je pense qu'on croit tous à la résurrection du Christ. Moi, je crois à ça. Je crois aussi à l'espérance que l'Église a sa mission sur Terre. C'est de faire espérer les gens, c'est de les accompagner dans les moments de détresse, de s'occuper des petits, des pauvres, des mal-aimés. Alors moi, pour moi, je pense que je partage cette même vision-là. C'est sur le plan moral, parfois, ou le plan sexuel. Je ne suis pas d'accord avec le Vatican, mais ça... Et comment on fait pour faire changer le Vatican de From Joliette? C'est à la base qu'il faut travailler. Nous, je ne suis pas tout seul de prêtre qui pense comme ça. Là. On accompagne des gens, nous autres, à la base. Parlons de la politique. Vous avez fait de la politique quand même assez longtemps. Vous avez été pour le Bloc pendant... 2 ans seulement. Ben, c'est un mandat pour le Bloc, ça. C'est gros pour le Bloc, ça. Ben, j'aurais fait plus longtemps s'il n'y avait pas eu de la pression de la part de la droite religieuse catholique ben, de l'Ouest canadien. Mais comment ça se fait, donc? Vous êtes retiré parce que le Vatican vous a demandé de choisir entre la politique. À cause des pressions qui étaient faites surtout par les anglophones. Ah oui? C'est pas Marc Ouellette qui vous a stoulé? Ben, peut-être. Peut-être qu'il est en dessous de ça. Là, ben, c'est ça que je me disais, non? Non, je pense pas. Je pense que ça vient plutôt de la droite religieuse. Et la droite aurait communiqué avec le Vatican? Ben, il y avait des lettres au Vatican. Je recevais des lettres du Vatican, moi, me disant que j'avais pris telle position par rapport... J'ai été malchanceux. Quand je suis arrivé au Parlement, le premier vote, c'était sur le mariage gay. Ah, ça aide pas. Bon, c'est sûr que pas, ça, regarde, c'est pas... Alors, c'est sûr que, bon, moi, c'est pas facile. Je fallait pas que je me cache. Là. Alors, moi, j'étais favorable à ça, donc j'ai voté favorablement au mariage gay. Après ça, il y a eu un député conservateur qui a présenté un projet de loi pour condamner une femme, par exemple, pour le meurtre d'une femme enceinte, un double meurtre. Ah. Alors, pour donner un statut au fœtus, moi, j'ai fait un discours en chambre pour m'opposer. Ah, ben, vous étiez pas, là. Ben, je m'étais pas. Non, c'est ça. Mais en même temps, il fallait que je sois fidèle à mes convictions. Bon, je l'ai été jusqu'au bout. Mais en politique, c'est pas vraiment important, ça. Oui, c'est important. Ah, ouais? Mais ça dépend pour qui. Ah. Il y a des politiques qui sont très. Ah oui, hein. sont assez straits dans le Vatican, c'est ce qu'on découvre tranquillement. Dernier point, j'ai appris que vous étiez l'animateur spirituel des policiers et des pompiers. Ouais. Là, je vous dis tout de suite, on reçoit un ancien policier tout à l'heure et je me demande, est-ce qu'ils sont durs à animer? Les policiers? Non, moi, je trouve que c'est surtout des hommes. Il y a des femmes aussi, là. Mais c'est des personnes très ouvertes, hein, parce qu'ils vivent tellement de situations dramatiques dans leur travail que ça les amène à s'ouvrir. Par exemple, moi, j'ai eu des problèmes là, par rapport au mariage gay comme prêtre. Moi, je m'étais prononcé favorablement. Ouais. Bon, mais les policiers de Laval m'ont appuyé dans ça. Arrêtez donc. Imaginez, on ne s'attend pas à ça. Puis à chaque fois que je vis quelque chose de difficile, les policiers m'appuient toujours. Puis les pompiers aussi. Alors, je pense que c'est des personnes qui sont très ouvertes à cause des situations qu'ils vivent. Bien, vous allez bien vous entendre avec notre prochain invité, c'est Robert Poitier. Vous restez avec nous? Ben, je vais rester. Bon, bien, parfait. De toute façon, on a encore en masse de bière. Mais là, bien, on en a un, deux, trois, quatre, cinq encore. Je conduis l'auto, moi. Ah, pour vrai? Ouais. Ah bon... OK, tout le monde, on vérifie que l'abbé Gravel n'en prenne pas deux. OK, parfait. Vous l'avez sûrement complètement manqué, mais oui. Mercredi dernier, c'était la Journée internationale de la francophonie. Ouh. Alors, on... Oui, ben oui. Vous l'avez manqué pour vrai, hein? Ouais, c'est, je me dis. Alors, on écoute une publicité pour nous le rappeler trois jours après. Salut, c'est Jacques de TVTV. Juste un reminder que mercredi, c'était le Worldwide Journée de la francophonie. Tu savais pas, hein? Tu gives même pas un fuck dessus? Tu devrais, parce que le français, c'est pas fourni, man. C'est ta langue. Anyway, nous autres, on est bien proud d'en faire partie. Fait qu'on a chanté, on a dansé, pis on a chatté en français toute la journée. Tu sais, normalement, on fait pas ça, fait qu'on a trouvé ça ben whack. Fait que fais donc comme nous autres, mais à l'année longue. Parce que le français, c'est pas une langue random, là. C'est une vraie langue qui se word like pas comme les autres. Fait que c'est Jacques de TVTV qui dit « Whack ton français, man! » Pis que sinon, c'est le français qui va te whacker. Eh bien, normalement, c'est le moment d'aller joindre notre reporter tout-terrain, Jean-Sébastien Girard. Mais, ben, mauvaise nouvelle pour ses grands fans. Il est en congé cette semaine, c'est sa relâche. Il est dans le voyage, il est en voyage dans le sud, en allô? Fait. Ah, allô? Ah, mon nom, Jean-Philippe, comment allez-vous? Ah, vous n'êtes pas en vacances, vous? Ben, oui, effectivement, excusez-moi, je suis un petit peu tombé. Ah, mon Dieu. Je suis effectivement en vacances, ouais. Plus particulièrement au Club Med des îles Turquoises. Puis je suis ici pour une semaine. C'est beau, on mange bien, il fait super beau. OK, vous avez un sujet pour nous? Ben, honnêtement, non. Parce que, Jean-Philippe, je suis en vacances! OK, OK. OK. Mais quand même, Jean-Philippe, ouais. Histoire d'être payé à 25 piastres, on crache pas là-dessus, j'ai décidé d'intervenir quand même à trois reprises, comme d'habitude. OK, c'est tout pour le moment, j'imagine? Ah oui! Alors, je vous invite à écouter la délicieuse chronique du grand Fred Savard, et je vous reviens tout de suite après. OK, ben c'est, vous êtes très généreux de votre part, j'imagine. Ah ouais, super. Vous écoutez La Soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Baudier sur les ondes de la première chaîne, une émission qui ne blanchit pas son argent dans des banques chypriotes. On n'avait pas besoin nécessairement qu'ils reviennent. Non. En tout cas, c'est pas grave. C'était des vacances pour nous aussi, hein? Oui, mais boy, surtout pour nous. Voilà un gars qui n'en prend pas de vacances, Fred Savard. Non. Vous l'applaudir, c'est très important. J'ai pas les moyens. Oh, wow. C'est rare. Il souffre de ça. Ben, énormément. Oui, alors, permettez-moi de revenir un peu sur le Pierre Lapointe-Gate, là, hein, cette pseudo-polémique entourant le flamboyant chanteur et le Parti libéral. Lui qui a eu la malencontreuse idée de faire jouer une chanson de Pierre Lapointe lors du dernier congrès libéral de dimanche. Ouais. Et selon Lapointe, c'est une faute morale, puisqu'au printemps dernier, ce même Lapointe était qualifié de dangereux carré rouge par Christine Saint-Pierre. Selon Pierrot, le PLQ aurait dû lui demander la permission pour diffuser sa chanson, exactement comme il lui avait demandé la permission de venir chanter lors d'un banquet en l'honneur de Jean Charest en 2008. Ben oui. Bon, le cachet n'était pas le même, hein, bien sûr. La Socan paye pas mal moins que le PLQ, visiblement. Mais ne boudons pas notre plaisir, ce Pierre Lapointe-Gate soulève une question primordiale. Comment s'assurer que nos partis politiques usent des bonnes chansons lors de leur congrès et comment s'assurer que lors de ces événements, ce soit de la musique québécoise qui crachote dans les haut-parleurs? Oui. Parce qu'on va se le dire, là, entendre du Rihanna ou du Black Eyed Peas là, dans un congrès politique, c'est un peu ridicule, à moins de vouloir absolument faire plaisir à Yolande James. Comme vous le savez, Jean-Philippe, je possède une foule de talents que je décline avec brio depuis plus de 10 ans. Les gens n'ont de cesse à me le répéter dans la rue. Alors, je vais donc sortir un autre de ces talents du placard, puisque j'ai déjà été DJ dans une ancienne vie, c'est-à-dire à l'époque des cassettes 8-tracks. Ce qui me permet ce soir de proposer à nos partis politiques des chansons québécoises appropriées pour leur futur congrès. Good. Cet exercice se veut non-partisan. Je suis à l'emploi de Radio-Canada, et vous le savez, l'objectivité est notre maître mot. Ouais. Et c'est sans compter que nous sommes également des passionnés d'excellence. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On se le dit à chaque jour. Ben oui. Alors, par exemple, au Parti libéral, là, on aurait très bien pu entendre une chanson comme « 1000 après 1000 » de Willy Lama dimanche dernier. Et avec ce qu'on entend à la commission Charbonneau, on voit bien que 1000 après 1000, c'est pas tant une distance, c'est plus une contribution à la caisse électorale. Et ils auraient pu aussi y aller d'une chanson de Paul Piché, comme par exemple Heureux d'un printemps, qui leur bûche la couenne, en hommage au Carré Vert, hein, une sous-division des jeunesses libérales. Et pour Raymond Bachand, on aurait pu aussi faire jouer Should I Stay or Should I Go des Clash. C'est vrai, ce n'est pas une chanson québécoise, mais finir troisième dans une course derrière Pierre Moreau, c'est tout un clash. pour le Parti québécois lors de sa prochaine course à la chefferie. Et croyez-moi, au train où vont les choses, ça ne devrait pas tarder. On pourrait, par exemple, y aller de n'importe quelle chanson du groupe La Chicane. Ça fit tellement avec le PQ. La chanson Mentir de Marie-Mé constituerait un bel hommage à leur dernière campagne électorale, ainsi que N'importe quoi d'Éric Lapointe, qui résumerait bien leur dernier mandat. Et le PQ pourrait aussi faire jouer du Pierre Lapointe. Hein, il serait sûrement moins fâché. Sauf qu'au lieu de mettre Je reviendrai, je pense que Dans la forêt des mal-aimés serait beaucoup plus approprié. Et pour accueillir André Boisclair, on pourrait y aller d'un « Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing en classe affaires ». Et en plus, Robert Charlebois est un indépendant triste, hein, ce qui sied très bien au PQ en général. Bon, pour ce qui est d'Option nationale, leur prochain congrès, bon, ça va être dans un an à peu près, mais je pense qu'on pourrait se permettre d'entendre une chanson de Claude Dubois, là, genre « Laissez l'été avoir 15 ans hein. ». 15 ans, c'est quand même l'âge moyen des militants du parti. Pour Québec solidaire, la chanson « Illégal » de Corbeau irait très bien pour Amir Kadir, hein, particulièrement le passage « Illégal, tu fais faire des bêtises dans les rues de Montréal ». Et lui, il fait pas juste à Montréal, il est fait à Québec en plus. Attention, ici, ne pas confondre Corbeau et Corneille, bien que Québec solidaire pourrait aussi faire jouer du Corneille, comme par exemple son fameux succès « Seul au monde hein, », qui résume bien l'électorat du parti. Bon, pour la CAQ, un très jeune parti. Les chansons qui accompagneraient bien le parti sont pas légion, mais on pense tout de suite au succès des Cowboys fringants, les étoiles filantes. Chanson hommage à Gaétan Barrette et François Rebello. On pourrait y aller même une chanson française comme Il soit son petit frère des Berruriers Noirs en hommage à l'ADQ. Alors comme vous voyez, les choix sont presque infinis. Suffit d'avoir un peu d'imagination et un excellent lecteur de cassettes 8 tracks. Merci Fred. Eh bien, on me dit que c'est le temps d'aller rejoindre Jean-Sébastien Girard au Club Med. Ah! Ouais! Je viens d'écouter le billet de Fred Savard directement des îles Turquoise. Est-ce que vous l'avez écouté? Ben forcément oui, là. Ah ouais, hein? Ouais. Mon Dieu, c'était mauvais! Ah, bon, ben là! J'ai entendu quelque chose de mauvais de même. OK, avez-vous de quoi nous dire, là? Ah ouais. Hein? Non, Jean-Philippe, je vous le répète, je suis en vacances! OK. Ça y est, on raccroche. Hein? Ouais, ouais, non, là, mais c'est assez. Jean, là. C'est assez, c'est ridicule, là, franchement. Fred, notre prochain invité. Il supportait la candidature de Pierre Moreau, mais très satisfait de la victoire de Philippe Couillard. C'est ce qui s'appelle ménager la chèvre et le chou. Accueillons le député libéral Robert Pointy. Assoyez-vous, monsieur le député. Monsieur le député, première chose, monsieur le député. C'est drôle, en élection, il m'appelait Robert, là, maintenant je me suis le député. Ben, voulez-vous, je vais vous dire une chose. On attend encore nos remerciements et nos fleurs à l'équipe Fred. Et Olivier m'en parlait ce matin. Aidé. Ben, regardez, vous êtes venu ici candidat pour le Parti libéral. C'est vrai, je suis avec Léo à l'époque. Ben, regardez, et là, vous êtes quoi, député? Oui. Alors, non, vraiment, ben, merci. Ben oui. Je vais vous dire merci, je pense que ça a aidé là, au niveau de la campagne. 1400 René Lévesque. D'ailleurs, je voulais juste vous dire aussi, hein, j'ai fait le cégep à Bois-de-Boulogne. Alors, vous savez, il y a deux possibilités. Ouais. De peut-être policière, policier ou politicien. Préparez-vous. Oh boy, chanceux! D'un côté comme de l'autre, c'est une bonne carrière. Oui, oui, tout à fait. Donc, on le dit, on mérite un peu de crédit. Surtout, vous avez gagné dans un comté qui était pas facile. Non, ça, c'est vrai. Marguerite Bourgeois, elle était canonisée en 82. Alors, moi, j'imagine que je vais avoir encore un peu de temps. Mais Ville-la-Salle, en fait, c'est un des seuls comtés où il n'y a qu'une seule ville. Il y a des députés où ils ont 7, 8, 9, 10 villes. Mais moi, j'ai été chanceux. Hein, Bini, par le ciel, j'imagine. Et, Marguerite, qu'est-ce que c'est ça. Et donc, Ville-la-Salle, donc un comté assez intéressant, je pourrais dire, pour les libéraux. 13 000 voix de majorité. J'ai dit ça humblement, là, mais je suis quand même content. Pour tout ben oui, parce que vous, c'est un comté qui est libéral depuis 1610, je pense. Ouais. Donc, il n'y avait pas d'élection, mais il était déjà libéral. Si l'Église a condamné depuis 1510, ouais, c'est ça, les Jésuites, je ne suis peut-être pas sorti du bois encore. Là. Mais là, vous êtes ici pour une raison, ce n'est pas tant pour vous hein, que pour la course au Parti libéral, la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Mais c'est important, on a eu les résultats ce week-end qui a choqué tout le monde. Ah, totalement. Personne n'était prêt. Surpris. Hey, ben regardez, moi j'écoutais ça à la télé là. T'as remarqué que moi si j'avais 60% tout le temps dans mes notes à l'école, ma mère a été contente. Alors 60% pour moi c'est une assez grande majorité. En fait, c'est mieux que ça, c'est 58%, c'est moins bien qu'on pense. Ouais, non, il aurait pas parce pensé. Il y a eu un recomptage. Okay, après moi, ça. On est pas mal proche du 60%. Ah, ça alors, s'est passé savez, pendant la deuxième chanson de Pierre Lapointe, j'imagine. Ouais, non, là mais là je le promets, on l'écoutera plus jamais. Il va être bien content. Non, mais vous avez appuyé Pierre Moreau dès le début. Oui, effectivement. Dès qu'il a annoncé sa candidature, Pierre Moreau avait votre appui. On a dit de Pierre Moreau que c'était le candidat de la continuité, qui avait des racines profondément libérales. C'est pas ça qui a coûté la course, d'ailleurs? Non, mais en fait, je pense que peut-être dépendamment... C'est pas vous ça, l'avez, c'est une bonne vous chose, l'avez peut-être lu dans le Journal de Montréal, mais c'était le candidat du renouveau. Alors, et la continuité, je pense que M. Bachand en parlait davantage, M. Couillard aussi. Pourquoi appuyer Pierre Moreau? Mais en fait, Pierre Moreau, honnêtement, parce que lorsque j'étais pas dans la ligne politique et je savais pas que j'y arriverais, pour être honnête, ouais. Là, c'est la conviction qui m'a emmené là. Je me rappelais de Pierre Moreau dans un événement où des écoles de conduite vendaient les permis de conduire sans avoir aucun permis. Ouais. 6 écoles de conduite vendaient les permis. Ouais, vous passez pas le cours du tout, ça allait très rapidement. C'est là qui veulent les adresses, là, je vous les donnerai. Ah, ben ça mais, parle-moi mais de ça. Vous non. allez vous frapper à un mur parce que Pierre, la même journée, les avait fermés. Ça m'avait un peu étonné que dans une même journée, un ministre voit quelque chose, en prend compte de la situation et la journée même, c'était suspendu. Ces écoles-là étaient fermées. C'est un homme de décision. En fait, aussi, si on dit qu'on veut rallier la jeunesse, pour moi, Pierre, évidemment, était plus près des jeunes au Québec. Et à partir de là, par ses convictions, pour moi, il est venu me chercher un peu d'une autre façon. Et il a eu mon vote dès le début. L'intégrité de Pierre, pour moi, n'était pas en doute. Et à partir de là, ben, ce que j'avais vu de l'homme, ce que j'ai vu de ses décisions et sa façon de faire me plaisait. Donc, dans une équipe, on pouvait choisir. J'ai choisi Pierre. Vous êtes beaucoup impliqué dans sa campagne? Oui, non, on a travaillé, trompez-vous pas. Ah oui, On a travaillé, oui. Et puis, finir deuxième, c'est quand même mieux qu'on pensait. On pensait que Pierre allait finir troisième derrière M. Bachand. Mais ça, c'est la signature de Pierre. D'ailleurs, si on avait écouté les sondages, il ne serait pas député à l'Assemblée nationale parce qu'à Châteauguay, on le mettait perdant. Et ça a été souvent les sondages qui ont bousculé Pierre. Puis en finale, ben, il battait les sondages, alors tant mieux. Écoutez, une course à trois, là, on ne peut pas être quatrième. Là. Alors à partir de là, et ça, moi, je pense que gros avantage gagnant, du, les deux autres, évidemment, ont tenté de convaincre les délégués. Mais vous savez que c'est une ancienne forme, par exemple, de scrutin. Là. Je pense qu'on a vécu la dernière fois quelque chose ben comme oui, ça. Oui, c'est ça qu'on se disait. Avec parce les que délégués et tout. Là. On a reçu Martin Cauchon il y a quelques semaines avec le Parti libéral du Canada, donc qui, lui, inaugure une toute nouvelle façon de voter. Hein. C'est par Internet. On a c'est ça, mais c'est l'ensemble des membres. Donc, des militants, vous êtes militants, vous êtes membre du Parti libéral, ben, vous aurez droit à un vote. Et je pense qu'en quelque part, c'est une bonne idée. À la prochaine course, à la chefferie au Parti libéral, c'est-à-dire dans 23 ans, on imagine la que... La dernière, c'était 30 ans. Ben, c'est ça. Alors, dans 30 ans, on imagine que ça va avoir changé. Là. On se le souhaite, en pas fait. Pas mal. Si l'Église a changé, je veux dire, on devrait pouvoir changer. 30 ans, c'était peut-être un peu court. Parlant du congrès de dimanche, vous n'avez pas assez proche de ne pas faire la nouvelle à cause de l'évasion de ces prisonniers de la prison de Saint-Jérôme par hélicoptère. Quelque chose. Ben oui, même, c'est extraordinaire, ça. Non, mais tout un timing, dans le fond. Oui, c'est qu'il soit sur le toit au même moment où l'hélicoptère se présente. T'sais, il faut le faire. T'sais, pour être honnête, si je regarde là, la façon dont les prisons fonctionnent, sa sécurité actuellement, là, peut-être vous êtes mieux à l'hôtel. Honnêtement, on peut faire des blagues, mais c'est un peu inquiétant quand même, disons. Ben, là, un peu, je veux souligner quelque chose, je vais le faire ici, j'en ai pas parlé encore. Je veux aussi féliciter Denis Lévesque qui a invité un pilote d'hélicoptère qui est venu nous expliquer quel est le code secret pour dire à tour de contrôle que... Il y a des prisonniers accrochés sur la queue. Vous avez un gun sur la tête. Et là, d'expliquer davantage aussi la fréquence et le numéro lequel le pilote fait. Vraiment, j'étais vraiment impressionné. Vraiment, merci, ben, Denis. Merci. Un autre beau gros merci à Denis Lévesque, tout le monde. Ben, ouais. Vraiment. Là, je trouve ça le fun. Ben, on va revenir à un sujet beaucoup moins compromettant que les prisonniers. On va parler de Philippe Couillard, quoique. On a maintenant Philippe Couillard à la tête du PLQ. Oui. On est à l'aise avec ça? Oui, on est à l'aise avec ça. En fait, voyez-vous aussi, dès le début de la campagne, M. Couillard n'aurait pas eu la légitimité pour pouvoir être là. S'il n'avait pas eu, en fait, la conviction qu'il pouvait être le nouveau chef, et je pense que M. Couillard a été là pendant plusieurs années. Je n'étais pas en politique. C'est vrai que je l'ai moins connu parce que je suis un nouveau député libéral, mais il a fait ses preuves. Les gens le connaissent et les gens pouvaient décider. Alors moi, je pense que... Dans un premier lieu, l'intégrité, c'est avant tout une responsabilité individuelle. Et chaque personne qui se présente en politique doit le réfléchir, le chef inclus. Alors, écoutez, il peut... Tu sais, il y avait un vieux dicton qui disait « Des fois, t'es mieux de mourir incompris, passer ta vie à t'expliquer. » Bien, j'espère que là, les gens ont compris. Il a expliqué ses relations, il a expliqué les choses. Vraiment? Dire, on peut le dire... Bien, écoutez, on peut le dire 50 fois, mais la 52e fois, si c'est la bonne, bien, on va continuer deux autres fois, là. Bien, c'est ça que je me dis, parce qu'en même temps, on parle beaucoup d'Arthur Porter depuis une couple de semaines. On a appris, je pense que c'est cette semaine, qu'il devait y avoir une rue hein, Arthur Porter, autour du CUSUM, du nouvel hôpital. Et ben, on l'a enlevé, cette rue-là. Est-ce que c'est en attente de lui donner un boulevard dès que M. Couillard revient en poste? Il faut faire attention. Il faut remettre les choses dans le contexte. Donc, si on recule 10 ans, la situation qu'il y avait il y a 10 ans, lorsque le CUSUM était, évidemment, c'était les projets du CUSUM à l'époque, c'était une situation. Aujourd'hui, le contexte, moi, ce que je sais, c'est que M. Porter a des mandats, est recherché par les policiers. Ouais. Et à ma connaissance, il n'y a personne d'autre là, qui est recherché. Alors, quand vous êtes recherché, vous avez des mandats, vous avez des choses à vous reprocher, bien, vous devez répondre de vos actes. Et qui que ce soit s'est approché de la collusion ou de la corruption, sans égard au parti politique, à son travail ou à sa profession ou au privé, pour moi, est-ce que les gens qui ont semé ça récolteront ce qu'ils ont fait? Et à mon avis, bien, la commission Charbonneau en fait une partie, mais rappelons-nous, ceux qui vont s'asseoir là ne sont pas condamnés. Ceux qui vont être condamnés, c'est ceux que l'UPAC va chercher. C'est pourquoi, moi, je pense que l'UPAC avait vraiment sa place. Rappelons-nous, on n'en parle pas souvent, les péquistes n'en parlent pas beaucoup non plus, mais qui a mis en place... Bien, ça, je vais vous laisser dire, mais... Okay. Alors, mais je ne vais pas vous couper la parole. Non, c'est ça! Je vais même demander, répétez, j'ai pas compris. Et c'est là... Alors, aussi, non, vous avez dit tantôt que vous étiez un habit libéral, là. Alors pour plus partir. Alors, à partir de là, je suis bien content. D'ailleurs, si vous voulez aller, vous en retournez, vous me direz. Est-ce qu'on vous paye la voiture en tant que député? Non, pas du tout. On ne la paye pas. En fait, mais je vais vous dire, par exemple, je comprends très bien pourquoi les ministres ont des gens qui les conduisent. En fait, depuis à peu près 4 mois et demi, j'ai 22 000 km de fait entre Montréal et Québec. Merci beaucoup, M. Poitier. Vous restez avec nous? Oui, bien sûr. Ben, j'espère. Fred, présentez-nous notre prochain chroniqueur. C'est peut-être le temps des sucres qui commence, mais ça ne fait aucune différence pour nous puisqu'il nous bourre de jambon à l'année longue. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Aïe, aïe. Naturellement, les gens vous applaudissent. Ben oui, c'est fait de même. Alors, quoi de neuf? Grosse fin de semaine pour ceux qui ont eu à commenter le décès de l'ex-felkiste Paul Rose. C'est-tu un terroriste? C'est-tu un combattant de la liberté? On ne sait pas trop. Mais qui de mieux que Léopold Lauzon, Éric Duhaime et Jean-Nicolas Gagné pour trancher la question? Ben oui. Quand il n'y a plus moyen de que la démocratie est au service, que le gouvernement et les lois sont au service. Il y avait moyen, puis que gagner tout d'un après. Il n'y a plus moyen de faire valoir nos droits. La violence c'est la solution ultime. Pour la majorité de la population. Oui, mais Richard Bain pensait sans doute ça aussi. Mais lui, il pensait peut-être là, qu'il n'y avait aucune autre façon de se faire entendre. Bon, je pense que des gémissements, c'est la meilleure conclusion qu'on pouvait espérer de ce débat de champions. D'autre part, dimanche, au gala des Jutras, Michel Côté affirmait que c'est aussi par le cinéma qu'on mesure l'évolution d'un pays, pas seulement par son escadrille de F-35. Carl Monnette, dont la renommée n'est plus à faire depuis son entrevue avec un monsieur qui fait caca loin, a décidé de répondre à la démagogie de Michel Côté par la bouche de sa démagogie. On a subventionné l'industrie du cinéma québécois à quoi? À 180 millions? C'est ça le problème, en fait. Hein? On donne 180 millions pour faire des films de marde? On peut-tu, tant qu'à avoir des films poches, arrêter puis prendre ça pour réparer nos écoles? Ce qui est malheureux pour Radio X, c'est qu'il est trop facile de répliquer malhonnêtement à leur malhonnêteté depuis qu'ils ont appuyé le financement public d'un Colisée. Donc, si on prenait le 400 millions du Colisée, on pourrait réparer nos écoles et faire des films de marde. Pensez à ça. C'est merveilleux. Pour rester dans les débats d'idées, Paul Larocque de TVA était de retour de Rome cette semaine avec un scoop sur le cardinal Ouellette. Une chose sur laquelle on doit s'entendre, c'est que Marc Ouellette est un des plus puissants intellectuels que le Québec a produit. Bon, faut le comprendre, Larocque doit pas côtoyer beaucoup d'intellectuels à TVA, là, ben, à part Claude Poirier, là. En tout cas, on apprenait aussi cette semaine. Oh, c'est vrai, Denis Lévesque. On apprenait aussi cette semaine la publication d'un autre livre sur le conflit étudiant, mais comme l'explique Mario Dumont, on n'a toujours pas écrit l'histoire du vrai héros de la crise étudiante, le payeur de taxes à qui incombe l'abolition de la hausse. Il faudra raconter que tous les matins, il se levait, puis il n'y avait pas le temps de planifier, puis il n'y avait pas le temps de penser à comment il pourrait manipuler les médias pour dire « Hey, moi, là, je suis fatigué, j'ai mal dans le dos, je travaille, j'ai fait des lunchs à matin, les enfants broyaient. » Faudra un jour qu'on l'écrive, l'histoire du monde ordinaire, ces payeurs d'impôts-là, parce que c'est eux autres qui vont payer la facture, c'est eux autres qui ont perdu, tu sais, mais on l'écrit jamais leur histoire, eux autres. C'est sûr que pour le monde ordinaire, qui n'a pas le temps de manipuler les médias, juste le temps d'être manipulé par les médias, faudrait que ce soit une bande dessinée facile à lire, là. Ça pourrait s'appeler « Super contribuable contre le rapport d'impôts maléfique ». Une idée comme ça. OK, good. Mardi, surprise du côté de Radio X, alors que Dominique Moret, le grand pourfendeur des carrés rouges, décidait d'appuyer les étudiants. avec les données que j'ai devant moi, à la lecture de documents, j'ai le goût d'appuyer les étudiants. Oh! Voyons. De l'Ontario. Ah, OK. Regarde, les frais de scolarité, là, depuis 2006 en Ontario, ça a augmenté de 71%. 71%. 71% sur 6 ans. Ça n'a pas d'allure. C'était quoi déjà la hausse prévue au Québec? 82% sur 7 ans. 82%. Bon, c'est sûr que les étudiants ontariens paient le triple des étudiants québécois, mais je trouvais ça quand même comique que l'ampleur de la hausse l'indigne autant. Autre grosse nouvelle cette semaine, la ville de Québec a pris son courage à deux mains pour vaincre un des derniers tabous. Fais-moi donc la liste au Québec, au Canada, des politiciens là, qui ont pogné ça de front. Là. C'est un tabou, les autobus vides. Mon doux qui ont des gros problèmes à Québec, hein? Hey, peut-être qu'ils pourraient maintenant s'attaquer au dernier tabou à Montréal, les autobus pleins qui te passent dans la face en te pitchant de la slush. Terminons avec Régent Tremblay qui se réjouissait cette semaine de l'idylle entre Tiger Woods et Lindsey Vonn parce que le pauvre Tiger, là, il l'a pas eu facile depuis quelques années. C'est effrayant ce que ce pauvre homme a subi. Dans la vie, là, t'avais deux niveaux. C'est affreux. Osuma, Ben Laden, puis t'avais Tiger Woods. Le jour où Osuma a été tué, il restait Tiger. Bon, c'est peut-être un peu fort comme comparaison, mais surtout, là, c'est-tu moi ou pas à savoir comment dire Oussama Ben Laden? C'est un peu inquiétant de la part d'un des plus puissants intellectuels que le Québec ait produit. Pensez à ça. Merci, Olivier. Eh bien... On se rappelle que la semaine dernière, on a appris que le CRTC n'a pas voulu transformer la licence de Radio X Montréal qui devra continuer à diffuser de la musique jazz. C'est donc plus que jamais le temps d'aller écouter un peu de Radio X Jazz. Vous écoutez Radio X Jazz, la radio qui swing, toujours du même bord. De retour à l'émission des airs d'Ariens sur les ondes du Radio X Jazz, Kevin Gosselin au microphone pour les 10 prochaines heures. Après cela, c'est moins sûr. Nous avons reçu les derniers PPM qui mesurent l'ampleur de l'emprise de la gauche sur les médias québécois et force est d'admettre que nous essuyons une perte de 0,2% de notre auditoire. Je remercie Karine et Nancy qui m'ont souligné par courriel que c'est une maigre diminution. C'est gentil, mais quand tes parts de marché sont de 0,8%, une baisse de 0,2%, c'est quand même une baisse de 25%. Heureusement, malgré ce qu'en pense le CRTC, un autre organisme socialiste, la station est encore très dynamique. J'en veux pour preuve l'excellente entrevue qu'ont réalisé mes collègues avec Sylvain Tremblay, cet homme qui défèque plus loin que son ombre, le Lucky Luke des matières fécales. Et à ce jour, c'est l'entrevue la plus écoutée sur notre site internet. On ne pourra plus dire que le Radio X Jazz n'a pas de contenu. Je dédie d'ailleurs la prochaine chanson à cet homme qui n'hésite pas à repousser les limites de ses sphincters. En voilà un qui n'attend pas l'aide de l'État pour se retrousser les manches et le pantalon. Alors pour lui, on est écoute Meliski, Martin & Wood et la pièce Jelly Belly, une pièce de consistance, sur Radio X Jazz, le 91,peu. On va les retrouver. J'ai rien à dire. On va les retrouver malheureusement, et on l'espère pour une dernière fois, Jean-Sébastien Girard. Oh, mon Jean-Philippe! Toujours rien à dire, on imagine? Non, c'est ça. Je suis toujours en vacances! OK! Jean-Philippe, ouais. Est-ce que je vais te payer? On va s'arranger, je sais pas, sérieusement. Okay, hey, c'est-tu niaiseux? Ah. Je pensais jamais dire ça, mais c'est mes taxes. C'est incroyable. C'était écœurant, ça. Ah ouais. C'était écœurant. Hey, il était en vacances, lui. Ouais. Je suis en train de me dire que son avion, ça serait bien qu'il... En tout cas. Ouais. OK, bon. Fred, présente-nous notre dernière chroniqueuse. Elle débusque l'insolite dans l'actualité comme la juge Charbonneau débusque la corruption à Montréal. Mais contrairement aux bandits à cravate, notre chroniqueuse n'a aucun regret. Voici la chronique de Léa Strelitzky. Hey, mon Dieu! C'est un accueil. Ben oui, à mon avis, ça devait être un applaudissement nerveux. Hein? Alors, Léa, qu'est-ce que vous avez de fou pour nous cette semaine? Je sais pas, je suis bougon, Jean-Philippe. Arrêtez donc. Je sais pas, tout m'énerve. Ah oui, tout vous énerve? Ouais, je sais pas. Ben, gardons. Ben, vous me donnez une chronique aux 28 jours. Hein? Faites le calcul. Ah, ça tombe pas dans votre semaine, toujours? Chaque mois. OK, bon. Allez-y, voir. Je sais pas, ma première nouvelle, elle m'énerve. Là. C'est l'histoire d'un funambule qui dit qu'il va bientôt traverser le Grand Canyon sur un fil. Oui? Moi, les gens qui prennent des risques inutiles, là. Comme l'autre qui s'est pitché de la stratosphère, ça m'avait énervé, ça aussi. Ben voyons. Je sais pas, tu trouves pas que la vie fait déjà assez peur tout seul? T'sais? Qu'est-ce que t'as besoin d'aller te suspendre après un fil à des milliers de mètres d'altitude? Ben, c'est pour le thrill, je sais pas, peut-être qu'il est marié, ça fait longtemps. Peut-être. Je sais pas, moi, regarde. Mais en plus, c'est le même gars là qui l'a fait l'été dernier. Vous vous souvenez, là, il y a quelqu'un qui a traversé les chutes du Niagara sur un fil. Mais c'est le même, tu l'as déjà fait, on a compris, là. T'es capable d'aller d'un point A à un point B sur un fil, tu sais. Ben oui, mais en même temps, tomber dans l'eau, ça fait moins mal. Sais-tu pourquoi il fait tout ça, Jean-Philippe? Non. Ben, c'est pour honorer la mémoire de son arrière-grand-père, qui était mort comment? Comment? En tombant d'un fil en dessous d'une immeuble. Bravo! Ben oui, mais c'est une autre technologie. On est l'évolution de la race, toi. Ben oui. On aurait fini ce sujet-là. Ouais, non, ça okay, good. Enfin, ouais. En plus, je sonne comme Radio X, c'est un peu une catastrophe. passons à un monsieur qui, lui, réalise des exploits les deux pieds sur terre. Ah oui, dites-moi. Il y a un Britannique de 101 ans qui a fini le marathon de Hong Kong. Ah, ben oui, c'est puis, beau, ça! Mais je le sais. Je le sais que c'est beau, c'est correct! Bon. Hey, c'est vraiment fort, cette semaine. C'est le 9e qui court. Puis il a juste commencé à s'entraîner à 89 ans. Ce qui m'a posé un dilemme, Jean-Philippe. Lequel? En le lisant, ben oui, ben je savais pas s'il fallait que je me dise « Ah, c'est beau, la vie, tu sais, il est jamais trop tard pour commencer quelque chose. Ouais, » ouais, ouais. On peut toujours avoir du succès. Ou « J'ai tellement raison de tout remettre à demain, même. » Ah, c'est ça qui est maudit, hein? Ben, j'ai le temps, vous avez le temps. Surtout ben ouais. vous, surtout vous. Ben, ils ont 12 ans, c'est bien normal. Où est-ce que j'en étais, c'est ça. Fait que parlant de toujours tout remettre à demain... Oui. Il y a un octogénaire en Estonie qui a rapporté son livre de bibliothèque avec 69 ans de retard. Ben, 69, c'est 500. Puis la bibliothèque lui a même pas fait payer de frais. Ah, gentil. Non, mais tu sais, je pense que les bibliothèques, là, ça marche pas fort. À Saint-Cel, là, c'est pas... Ouais, bon, il accepterait n'importe quoi, juste pour qu'on y mette les pieds, je pense. Ouais, c'est un peu comme les églises, ça, M. Gravel. Ben, moi, ils m'ont laissé me marier enceinte de 7 mois. Aïe, aïe! Même pas baptisée. Ah! Oh non. Je suis pas non, sérieux, Dieu. Sérieux, votre affaire. J'aurais fait les deux en même temps. Je vous aurais marié puis baptisé en même temps. Ben, gars! Ben oui, mais il voulait pas. En tout cas, on s'en reparlera après les émissions. L'émission, j'ai un petit à faire baptiser, par exemple. On va s'en reparler. Oh mon Dieu, que ça va mal pour sa famille. Ah, je sais que ça va pas. Je vis dans les filles de Caleb. Ça va tellement pas. Où est-ce que je suis rendue? C'est ça. Bon, il y avait du retard. Les bibliothèques, ça va pas bien. Mais bref, le monsieur, c'était quoi son excuse? Je sais plus, là. Ben, c'était les bombardements allemands de 1944. Ben! Mais j'avoue qu'une guerre mondiale, tu sais, c'est une bonne excuse. Ben, c'est un peu tannant, je veux dire. Ça t'empêche de faire tes commissions. Ça peut te déconcentrer sur le retour d'un livre à la bibliothèque. Ça a dérangé des millions de gens, cette affaire-là, dont mon arrière-grand-père, qui a été déporté en camp de concentration. C'est le moment drôle de ma chronique. Ah, ben oui, hein? Mais il a survécu. Ah, OK. Ben là, allô! Je sais, et tu vois, contrairement à l'autre tata de tantôt, là, moi, je ne me sens pas le besoin de survivre à un camp de concentration pour renouer avec ma famille. Tu vois? Mais j'apprends du passé. Ben good, c'est le fun. Apprenons du passé, c'est mon message de la semaine. C'est vrai? Oui, ben, ce qu'on va apprendre, nous, cette semaine, c'est qu'on va vous décaler peut-être d'une semaine. Ouais, sincèrement, c'est ça. Change-moi ça, genre, ce calendrier. On n'est vraiment pas chanceux de la poigner tout le temps dans sa semaine. Je pense que c'est le message de l'émission. Hein. Ben, c'est déjà tout pour ce soir. On vous invite à rester à l'écoute, tout le monde. Dans quelques minutes, c'est le cabaret, puis on est de fou, puis on lit. Bonne bière, Léa. Ensuite, c'est suivi de Bande à part animée par Alex Courteau. Merci à toute l'équipe, Valentine Ticotte, Jean Gagnon, Philippe Robert, Steve Côté et Marie-Hélène Vautier. Un gros merci à nos invités de ce soir. Monsieur Gravel. Merci. Bonne continuation. On vous attend de retour en politique bientôt? Non, je pense pas. Le bloc est besoin. Je vais dire la semaine sainte, pas que ça en vient. Ah, OK. Parce que vous aidez les pauvres et là, je passe au bloc, là, puis je me disais, un petit coup de main, ça serait le fun. Monsieur le député Poitiers, on vous quitte en étant député. La prochaine fois qu'on vous reçoit, vous êtes ministre? Ben, écoutez, là, pour m'aider, juste avant de sortir, les jeunes, vous attendrez. Je fais du recrutement pour les membres du Parti libéral. Alors, j'ai des cartes de membres à la porte. C'est pas dispendieux, j'allais voir, c'est agréable. C'est un mot à retenir, c'est agréable. C'est agréable. Quant à nous, si vous voulez nous réécouter l'émission, la balado est disponible sur notre site web. Et la semaine prochaine, on enregistre jeudi à 17h nos invités Stéphane Bédard, le président du Conseil du Trésor, et Denis Trudeau. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune, tout le monde. Merci.